Voici votre bulletin régional. Le 19 juin est la date limite pour vous inscrire au tournoi familial de Balmol qui se tiendra à Saint-Isidore de Clifton les 26 et 27 juin. Pour plus d'informations, on contacte Marie-France Fortier au 819-620-6367 ou Maud Labranche au 819-342-1925. Katia Palardi, coordonnatrice de moisson au Saint-François, sera à la place au clown de Saint-Isidore de Clifton le 19 juin de 10 à 11 heures pour vendre des billets pour la course au canard au profit de moisson au Saint-François qui aura lieu mardi 23 juin à Skid Corner. C'est à partir du 19 juin et cela jusqu'au 4 septembre qu'ouvre, tous les vendredis de 16 à 19 heures, le marché de la petite école de Sainte-Marguerite-de-Lingwick.